Service financier Jacqueline Doucette a comme mission de créer votre indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et courtoise, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Toute l'équipe en profite pour inviter la population à participer en grand nombre au tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. C'est le début de la 56e édition du tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. Question de savoir davantage un peu comment ça va cette année sans les castors de Dolbeau. On parle avec le président Éric Delisle. Bon après-midi, M. Delisle. Oui, bon après-midi, M. Veilleux. 56e édition cette année. Encore une fois, sans les castors de Dolbeau Midget. Est-ce que le fait que vous n'avez pas de 2B cette année, ça va paraître. Comment vous entrevoyez ça, là? Oui, bien là, pour le tournoi, ça ne change pas grand-chose parce que ça fait déjà 3 ans qu'on OK. n'a pas de Midget double lettre. OK. Parce que plusieurs raisons. Là. Il y a le gros tournoi allemand là, que les équipes sont obligées d'aller là. Fait que puis il y a moins d'équipes aussi, là. Fait que okay. ça joue beaucoup sur. Est-ce que vous aviez pensé à mener, parce que je sais que ça s'avait parlé, puis de déménager ça avant les fêtes. C'est sûr que cette année, ça va. Il n'y avait pas d'importance parce que quelque part, le tournoi, les castors n'étaient pas là, mais pour ramener le double lettre l'an prochain, puisque les castors vont revenir l'an prochain, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à penser? Ben là, on avait regardé, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup ça être avant les fêtes. On aurait pu fusionner avec le tournoi Bantam. Oui. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a un tournoi midget à Métabetchouan. OK. Fait que la Ligue, je pense pas qu'elle va accepter d'avoir deux tournois midget avant les fêtes. Là. OK. Donc, c'est ça que vous aviez pensé. Donc, et là, comment ça s'enligne cette année? Ben, cette année, on a 17 équipes. OK. On a 10 équipes dans le A. Okay. Et on a 7 équipes dans le B. Ça fait un total de 31 parties. Puis ça va assez bien. Là, c'est un peu c'est la même quantité d'équipes qu'on avait l'année passée. OK. Est-ce que vous allez y aller sur deux plateaux ou bien vous allez rester seulement qu'avec l'aréna de Dolbeau? C'est sûr que le samedi, on est sur les deux arénas. Okay. On a 6 parties à l'aréna de Mistassini. Puis les autres jours, là, c'est tout à Dolbeau. OK. Les équipes proviennent de où? J'ai des équipes de la région, évidemment. Ouais. Mais j'ai des régions de j'ai une équipe de Montréal. Oh, c'est bon ça? Oui, c'est très bon, dans le A. Okay. D'ailleurs, le match d'ouverture contre les Loups, ça va être contre le Laser de Montréal. OK. Ça, c'est vendredi à 19h30. Après ça, on a deux équipes de La Tuque. On a une équipe de Meliotenam. OK. On a deux équipes de Val-Bélair. On a quand même beaucoup d'équipes de l'extérieur de la région. On a une équipe de Chibougamau aussi. Ah, c'est bon ça. Dites-moi, est-ce que il faut parler aussi de l'implication du centre de formation professionnelle c'est la 12e édition déjà que le centre est impliqué dans l'organisation de ce tournoi-là. Oui. Oui, c'est sûr, c'est notre partenaire majeur, puis ils sont très présents au niveau financier puis au niveau de personnel. Ils vont d'ailleurs, il va y avoir des représentants là, qui vont rencontrer les jeunes là, avant les parties là, pour faire connaître leur programme de formation. Alors, c'est sûr que c'est un atout majeur pour notre tournoi. Là. OK. Donc, les gens qui veulent se procurer des billets, comment ça fonctionne? C'est à l'entrée. OK. L'aréna de Dolbeau, il va en avoir. C'est 6 $ pour une entrée simple. Okay. Ou 15 $ pour le laisser-passer pour tout le tournoi, là, toute okay. la durée du tournoi. Est-ce qu'il y a un président d'honneur? Oui. Okay. C'est M. Jean-Sébastien Arcan, okay. de Paul Hugo, okay. qui est notre président d'honneur cette année. Et il m'a dit qu'il allait être là pas mal souvent pendant le tournoi. Là. Fait que, OK. Donc, lui, j'imagine... Il est heureux de m'avoir. Oui, lui, c'est bon pour lui à quelque part parce que... Tu sais, à quelque part, tu sais, c'est un nouveau dans le coin aussi, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on est allé le voir. Et le but de se faire connaître, puis Puis vraiment, c'est un bon partenaire pour nous autres aussi. C'est un gros atout. OK. Donc, ça commence ce soir avec 3 matchs, c'est ça? Non, on a 2 matchs ce soir. On commence avec les Loups de le beau Mistassini qui rencontre les Hurricanes de Mastoyache. Ça, c'est dans le A. Puis on a le Marcos Pop de Saint-Félicien qui rencontre les Coyotes de Jonquière dans le A aussi. OK. Donc, on rappelle évidemment que le prix d'entrée et ainsi de suite. Ben, Monsieur Deleu, félicitations et bonne chance pour le tournoi. Puis on va peut-être s'en parler lundi pour avoir un bilan complet. C'est beau, je vous remercie. Voilà le président de la 56e édition du tournoi de formation professionnelle de Debout-Sissigny, Éric Deleu.